Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie locale en parlant essentiellement de ce tissu local. Alors aujourd'hui nous allons nous plonger au cœur du tissu économique de la Meurthe-et-Moselle, ce département qui compte des milliers de petites et moyennes entreprises, véritable poumon de notre économie locale. Et nous avons le plaisir de recevoir Carole Crismon, présidente de la CPME 54, la Confédération des petites et moyennes entreprises de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Carole Crismon. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. On se retrouve donc dans quelques instants pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco. Alors, élue en mars 2022, vous êtes la première femme à diriger cette organisation départementale qui représente et défend les intérêts des PME du territoire. Entrepreneur dans le secteur de la petite enfance avec la création de deux crèches franco-anglaises, vous connaissez parfaitement de l'intérieur les défis, les joies et les difficultés de diriger une entreprise. Alors au cours de cette émission, nous allons découvrir votre parcours. Vous allez en effet nous dresser un portrait également de nos PME locales, apprécier leurs difficultés actuelles, mais aussi les défis auxquels elles sont confrontées. Autant donc de sujets que nous allons aborder ensemble pendant cette demi-heure. Alors, Carole Crismon, vous êtes la première femme à diriger la CPME 54, élue en mars 2022 et réélue depuis. Avant de parler de votre rôle à la tête de cette organisation, j'aimerais que nos auditeurs vous connaissent un peu mieux. Alors, pouvez-vous nous raconter un petit peu votre parcours professionnel ? Alors, mon parcours professionnel est assez disparate, puisqu'en fait... Je devais faire des études d'infirmière quand le ministre de l'Agriculture, François Guillaume, m'a appelé pour être le troisième poste du ministère de l'Agriculture en 1986. Donc j'avais 22 ans. Donc ça a été une grande découverte de tout ce qui était secteur politique et secteur institutionnel. Et puis après, j'ai rebondi en étant attachée commerciale dans une PME qui avait une certaine importance puisqu'on était à peu près 100-150 salariés. Et puis j'ai monté tous les échelons pour après, en fait, en étant enceinte, créer mes propres crèches puisque je trouvais qu'en fait, il fallait mettre un peu d'anglais chez les enfants. Quand je voyais ma fille qui, à 18 mois, zappait les chaînes espagnoles et anglaises et qui apprenait quelques mots comme ça au dépoté. Donc, je me disais qu'il fallait faire quelque chose pour les petits Français. Alors, c'est pas qu'on est nul en langue, c'est vraiment parce qu'en fait, notre langue française est pauvre en diphtongues. Donc, comme les enfants n'entendent pas les diphtongues, eh ben, en fait, on se casse l'oreille. Et après, ben, j'ai créé mes crèches, je pensais aller faire autre chose, donc j'ai été aussi directrice commerciale pour un architecte d'intérieur. Après, ben, comme j'avais envie de faire d'autres choses, je suis passée conseillère prud'homale, j'ai eu des mandats en formation, j'ai fait aussi une carrière politique pendant 25 ans pour la mairie de l'Axou, et puis toujours pour les autres. Avec un gros objectif de faire avancer collectivement tout le monde. Donc très bien, vous avez un parcours très enrichissant et comme tout chef d'entreprise, donc vous avez au départ, donc si j'ai bien compris, donc répondu à un véritable besoin à satisfaire en créant donc vos deux crèches franco-anglaises. C'est votre première expérience professionnelle en tant qu'entrepreneur, c'est ça ? Oui. Alors dans toute votre carrière d'entrepreneur, donc il y a eu des moments qui marquent certainement. Alors quel est votre plus beau souvenir professionnel ? Je crois que le plus beau souvenir professionnel, alors j'en avais pas qu'un, mais déjà à créer déjà. Je crois que la création, c'est ce qui m'anime le plus. Donc la création, mais j'ai créé plusieurs sociétés que j'ai laissées tomber aussi. Et puis après, au niveau professionnel, je crois que j'aurais pas été comme ça si j'avais pas été chargée de mission auprès du ministre. D'accord, ministre François Guillaume, ouais. Hein, donc en 86, c'est ça ? En 86, oui, voilà, donc... j'avais 22 ans, donc c'est mon premier poste salarié. Voilà, et donc vous étiez donc au sein du ministère, directement attaché oui. Au ministre. J'avais le ministre, le deuxième poste c'est directeur de cabinet, et le troisième poste c'était moi, donc chargé de mission auprès du ministre. Donc c'est vrai que c'est une expérience exceptionnelle, et puis moi j'allais partir pour être infirmière, donc c'est étonnant. Oui, c'est absolument. Le parcours surprenant. D'une vie. Effectivement. Et alors, à l'inverse, quel a été votre plus mauvais souvenir ou ce moment difficile qui vous a peut-être fait évoluer ? Alors, mon plus mauvais moment, c'est quand même 2023 où je rentre de vacances et je constate qu'on n'aura pas tous les enfants à la crèche. Et là, pose le problème que ce n'était pas ce que j'avais connu jusqu'à maintenant. On était plutôt en train de refuser des familles. Et là, en fait, il me manque 13 temps plein. Donc, ça pose des problèmes parce qu'on se dit, est-ce que je dois licencier? Est-ce que je dois faire du chômage technique? Qu'est-ce que je fais? On s'est regardé avec mes salariés, je leur ai rien caché, mais elles ne voulaient pas être en chômage technique. Elles voulaient rester, donc je les ai gardées, mais je crois que c'est là que j'ai eu beaucoup de cheveux blancs. Oui, on comprend, effectivement, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est moments difficiles à gérer. En fait, une entreprise, ça se crée, ça se développe et ça meurt. Ça se crée, ça se développe et ça meurt. C'est un cycle économique, mais on ne se rend pas compte, c'est que, en fait, les chefs d'entreprise ne se payent pas toujours leur salaire ou ne se payent pas toujours en dividendes. Mais ils payent dans les petites et moyennes entreprises. Je vois toujours le chef d'entreprise qui a le côté bienveillant vis-à-vis de ses salariés et il préférera payer ses salariés plutôt que de payer, se payer. Et c'est vrai qu'on stigmatise souvent les grands patrons, mais on oublie souvent que l'essentiel des entreprises en France, ce sont des petites et moyennes entreprises avec des chefs d'entreprise qui sont confrontés à ces difficultés. Et vous dites, en plus, il y a l'humain géré derrière. Oui. L'humain est notre moteur en tant que chef d'entreprise. On connaît, en fait, nos salariés ne sont pas des numéros, ce n'est pas des matricules, c'est des personnes, c'est des prénoms et on connaît aussi leur vie à eux, personnelle. Ils connaissent moins la nôtre, mais nous, on connaît vraiment leur vie et on est souvent au baptême du petit, à leur mariage, on vit avec eux. Et on est vraiment avec eux, donc... C'est important. C'est les petites et moyennes entreprises, je crois que ça fait 85% des entreprises. Mais en France, on ne parle souvent beaucoup des grosses entreprises parce que c'est plus facile, en fait. En l'espace, on parle d'une entreprise et ça fait 1000 salariés. Alors que nous, on parle d'une entreprise, ça fait peut-être entre 5 à 20 salariés. Donc évidemment, ça ne passe pas aux actualités, mais c'est... Toujours une entreprise qui met la clé sous la porte, c'est quand même 20 personnes qui restent sur le carreau, plus le chef d'entreprise. Parce que autant les salariés, ils ont enfin un filet de sécurité qui s'appelle France Travail et ils ont du chômage et c'est bien. Mais un chef d'entreprise, il n'y a pas de chômage. Il y a une assurance perte d'emploi, mais encore faut-il qu'il soit adhérent d'un syndicat patronal. Tout à fait. Alors, justement, ces PME ont besoin d'être défendues. C'est le rôle de la Confédération des petites et moyennes entreprises, dont vous êtes effectivement adhérente depuis 1996. Cela fait donc près de 30 ans que vous êtes engagée auprès de cette Confédération. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre donc cette organisation au début de votre activité? Et en fait, comme je viens du ministère de l'Agriculture, où c'était quand même très FNSEA à l'époque, c'est toujours quand même un gros syndicat agricole, la FNSEA, faire quelque chose pour les autres. Et puis, il y a toujours le fait d'être chef d'entreprise, mais on est seul. On est seul, notre conjoint ou notre conjointe n'a pas très envie de parler encore des problèmes de l'entreprise tout au long du repas. Donc en fait, je pense que c'est bien d'avoir un lieu où on peut se rassembler, où on peut parler des mêmes problèmes. Donc être syndiqué, ça me semble évident. Et donc d'adhérente, vous êtes devenue présidente de la CPME 54 en 2022 et vous représentez aujourd'hui des centaines d'entrepreneurs en Meurthe-et-Moselle. Alors, quelles sont vos principales missions au quotidien? Alors, on représente 550 adhérents en Meurthe-et-Moselle, donc ce qui n'est pas rien. Et en fait, nos missions, c'est représenter, former, défendre. Donc, c'est les trois missions qu'a la CPME. Représenter, on a quand même 150 mandats sur le département, ce qui n'est pas rien. On va je cite toujours la CAF en premier, mais la CAF, la CPAM, donc Sécurité sociale, l'URSSAF, on a les organismes de formation, on est dans les IUT, on est un peu de partout. En fait, aussitôt qu'on voit à la télé Dialogue social, on est dedans, mais on parle souvent, par contre, là, des organisations salariales. Mais on est dedans, on est partout. Voilà. C'est vrai qu'on oublie souvent les organisations patronales dans ces négociations. Alors, vous avez déclaré privilégier justement une méthode basée sur la connaissance mutuelle, l'échange et le débat. Alors, concrètement, comment cela se traduit-il dans votre action? Alors moi, je suis arrivée en 2022. Moi, je suis d'un secteur où déjà, on aime bien se parler. Donc en fait, je trouve que c'est intéressant. Je m'entends, on a nos points d'achappement, mais je m'entends très bien avec tous les syndicats de salariés. Je m'entends très bien aussi avec toutes les organisations patronales. Donc c'est, pour moi, c'est important. On va pas contre l'autre. Alors, on se taquine, mais c'est toujours très gentil et c'est toujours très convivial. On a besoin d'aider tout le monde. En fait, la vie n'est pas faite d'être de se battre, elle n'est pas faite d'être contre. Elle est faite pour être, pour accompagner, pour être ensemble, pour avancer ensemble. On va plus vite et on va plus loin. Tout à fait. Donc, trouver un compromis. Et je pense qu'il y a souvent, on parle souvent de stratégie win-win, gagnant-gagnant. C'est l'objectif, je pense, de cet échange et ce débat que vous voulez engager avec les organisations de salariés. Et puis, on est très bien aussi avec toutes les organisations étatiques. En fait, on s'entend très bien avec Monsieur le Préfet, on s'entend très bien avec l'URSSAF, on s'entend très bien avec tout le monde, avec la DGFiP, vraiment avec tout le monde, quoi. Je veux dire. C'est quoi ? On ne peut pas monter une entreprise et faire corps avec ses salariés sans faire corps avec le reste économique. Tout à fait. C'est pas possible. Alors justement, lors de ces échanges, vous avez certainement de nombreux dossiers donc, à gérer. Alors quels sont actuellement les dossiers prioritaires sur lesquels vous travaillez avec vos équipes ? Alors pour le moment, en ce moment, on est plutôt dans le genre à aider les entreprises à ne pas fermer, à essayer de toujours... un peu, alors je ne dis pas les sauver, mais toujours à essayer d'aider. Il y ait la bonne huile dans le bon rouage, voilà. Parce que des fois, les chefs d'entreprise oublient de faire un papier ou ils ont laissé un papier de côté et ce n'était pas le bon papier qu'il fallait. Et ça peut mettre à mal une entreprise. Donc, en fait, on a tout un panel pour aider les entreprises. C'est vraiment un des gros dossiers qu'on gère en ce moment parce que la crise économique, elle est là. Crise économique, oui. Crise politique, oui. Et ça nous impacte énormément, la crise politique. Donc, ne pas savoir comment on va avoir de taxes, comment on va être mangé. Je vous donne un exemple. Alors, on a un président qui s'appelle Monsieur Amir Reza Toufighi, qui est notre président actuel au niveau de la CPME nationale. Et donc, en fait, alors je ne sais plus quel jour, mais arrive sur mon portable... un texto de notre président national disant ben voilà présidente les députés vont voter contre la taxe à 2 euros des petits colis, faites quelque chose. À 10h, ben je prends mon portable, je textote à nos députés du département en disant faites pas ça quoi, vous détruisez le tissu économique en acceptant qu'il y ait des colis de Shein, de Temu, d'Amazon qui viennent et il y a des taxes pour eux quoi, pour nous quand on va exporter, mais il y a pas de taxes en France quoi. À un moment donné, le tissu économique, il est fait de ce qu'il est quoi. Et donc en fait, ben à 10h30, ils ont fait le vote. Et ça a basculé. Ça devait plus passer et c'est passé. En fait, et on a bien... Alors, on n'a pas les 5 euros comme on le demandait, mais on a au moins les 2 euros. Et là, c'est une force à ce niveau-là. Parce qu'à 10 heures, on a été plusieurs présidents de département à pouvoir textoter à nos députés. En fait, ce qu'on ne se rend pas compte en France, c'est qu'on a de la chance d'être dans un pays libre. D'être dans un pays où soutient le milieu social. On soutient des personnes, alors je ne dis pas qu'on les aide, mais on les soutient quand même financièrement. Ce qui les soutient financièrement, c'est avoir une économie forte. Et on est toujours en train de taper sur les entreprises. Mais plus on tape sur les entreprises, moins on peut les aider. En fait, c'est pas... je dis toujours qu'on a deux jambes, mais on a une jambe entrepreneuriale et une jambe sociale. Et donc, si la jambe entrepreneuriale ne va pas bien, le social ira encore moins bien. Donc, il faut vraiment que l'entreprise soit forte, qu'elle dégage des profits pour pouvoir faire encore plus de social. Et ça, c'est important. Et on est seulement en train de se dire « Ah, il faudrait peut-être qu'on arrête de taxer nos entreprises. » Mais on est seulement en train de le dire. Il y a un député, je crois que c'est Julien Dine, qui a pris la parole à l'Assemblée nationale en disant « Il y a 95% des députés dans cet hémicycle qui n'ont jamais vu de près une entreprise et qui n'ont jamais fait de stage en entreprise. Et bien ça, c'est un problème. Moi, je serais assez d'accord pour dire, ben, vivez un peu notre vie pendant 2-3 jours dans une entreprise parce que vous n'aurez pas les mêmes réflexes. Plus vous mettez de taxes, et moins on peut arriver à faire quelque chose. Si on avait une moitié de charge sur les salaires, ça permettrait aux salariés d'avoir un pouvoir d'achat supérieur. C'est quand même important parce que là, les Français, ce qu'ils font en ce moment, ils épargnent. Ils investissent pas dans l'essor économique. Ils vont à la banque pour faire des assurances vie ou autre chose. C'est quand même assez aberrant, quoi. Je veux dire, c'est pas qu'ils ont pas d'argent, c'est qu'ils investissent différemment. Ben, je sais pas, c'est important, ça. Tout à fait. Alors, vous avez bien expliqué votre rôle de relais pour les PME auprès des pouvoirs publics et auprès des députés. Et puis, vous avez souligné effectivement le problème des députés qui ne connaissent pas suffisamment la vie des entreprises. Et vous avez eu le prix Nobel d'économie, Philippe Aguillon, qui contestait aussi le manque de connaissances économiques des députés, ce qui ne permet pas de faire progresser correctement quelquefois les lois en faveur justement du milieu professionnel. Alors, on va revenir dans quelques instants justement sur la situation des PME dans le Grand Est, et ce, après une première pause musicale, l'occasion de découvrir vos coups de cœur, donc, Crismont. Alors, quel a été votre choix pour ce coup de cœur musical? Alors, c'est la chanson que je préfère, c'est « Résiste » de France Gall. Pourquoi ce choix? C'est quand même, quoi, c'est ce qui a motivé un peu toute ma vie, en fait. Eh bien, on écoute tout de suite votre premier choix de France Gall, « Résiste ». Un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Voilà, c'était France Gall avec Résis. C'était le coup de cœur musical de notre invité, dont Carole Crisman. Vous écoutez Fadjet. Vous êtes bien sur Radio Fadjet et vous écoutez l'Instant Écho, donc avec Carole Crisman, qui est présidente de la CPME 54, la Confédération des petites et moyennes entreprises de Meurthe-et-Moselle. Alors, dans la première partie, nous avons parlé de votre parcours professionnel et votre expérience au sein de la CPME de Meurthe-et-Moselle. Nous allons maintenant aborder un petit peu le portrait de ces PME donc en Meurthe-et-Moselle. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés? Alors, on est dans le département du 54, à peu près 40 000 entreprises. D'une manière générale, alors on a des grosses entreprises. Hein. Je pense à la UIM, l'OHS, même l'UDAF, c'est quand même aussi une entreprise pratiquement. Puis, le gros de la troupe, c'est plutôt entre 5 à 20 salariés. 5 à 20 salariés. Et alors, quels sont les secteurs d'activité qui sont les plus représentés? Alors, on a surtout des services. Services. Services et commerce, en fait. C'est là le gros de la troupe. Mais avec des choses qui sont... Quoi. On voit bien qu'il y a un glissement de la société sur des choses autres. Mais pour le moment, on est encore à un glissement. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais on ne sait pas encore sur quoi ça va aller. L'informatique, à mon avis, va prendre un essor encore plus grand. Il a pris déjà un bon essor avec le Covid. On voit bien, hein, on fait de plus en plus de visio et on fait de plus en plus de formations en distanciel. Voilà, donc on est quand même un peu en train de changer, je dirais presque de société en fait. Une économie de service, alors qu'il y a quelques années, c'était plutôt une économie autour de l'industrie. Oui. Hein, donc il y a une évolution, il y a une mutation. Hein. Et alors sur le territoire, est-ce que ces PME se répartissent de manière équitable ou est-ce qu'il y a une concentration autour de la métropole du Grand Nancy? Oui, il y a des zones qui sont plus couvertes que d'autres, avec des choses qui sont un peu inattendues. J'étais avec le chargé de développement de la ville d'Omécourt. La ville d'Omécourt se développe de façon harmonieuse et... je ne peux que féliciter le maire qui là est à la manœuvre. Après, bon, il y a quand même le problème de Longwy qui est important. Lunéville qui va essayer de sortir son épingle du jeu. Bon, la métropole, de toute façon, on a des universitaires, donc on a des choses qui sont aussi un peu performantes et un peu innovantes. Après, il suffit d'avoir une entreprise qui, hop, s'installe parce que c'est son coin et il y a 6-7 entreprises qui vont s'agglutiner autour de cette entreprise-là qui va être un peu moteur et hop, c'est reparti. Donc, c'est quand même un peu versatile quand même comme situation. Et au niveau de la dynamique, est-ce que vous constatez ces dernières années une dynamique entrepreneuriale? On l'a constaté au niveau national, hein, il y a eu quand même pas mal de créations d'entreprises. Est-ce que vous le ressentez également dans ce département? Alors, on a de la chance ou de la malchance, c'est que dans le département 54, on a aussi des entreprises qui viennent du département de la Moselle et de l'Alsace et qui n'ont pas leur activité économique dans le département, mais qui s'inscrivent parce que, en fait, le droit local là-bas fait que c'est trop long pour qu'elles s'inscrivent. Donc, elles s'inscrivent ici, mais par contre, elles fonctionnent dans leur département spécifique. Après, il y a quand même des créations, mais quand les chefs d'entreprise se créent, c'est surtout en auto-entreprise. Et après, ben, en fait, ils passent le pas ou pas, mais ça permet d'être une étude de marché grandeur nature. C'est vrai que ce statut a connu un énorme succès depuis sa création. Ça permet, comme vous l'avez dit, de se lancer dans une activité, de tester une activité avant de confirmer avec un autre statut juridique. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les difficultés aujourd'hui hein, face aux différentes crises économiques, politiques des chefs d'entreprise, mais elles sont également confrontées donc, à de nombreux enjeux, la transition écologique, la digitalisation, les nouvelles attentes des consommateurs. Alors, comment les PME, est-ce que vous abordent-elles ces défis? Est-ce que vous pouvez les aider à affronter ces défis? Alors, on les aide à affronter ces défis hein, parce qu'on a des formations. Donc, on forme toujours nos chefs d'entreprise de façon gratuite. Et après, je veux dire, le chef d'entreprise, en fait, c'est quelqu'un qui, contre vent et marée, tient toujours debout. On a absorbé les 35 heures. On a absorbé tellement de choses qu'en fait, quand un chef d'entreprise n'a pas envie d'avoir de problème, eh ben, il vaut mieux qu'il reste salarié. Tout à fait une bonne conclusion, en effet. Alors, vous, en tant que première femme présidente de la CPME 54, comment se porte l'entrepreneuriat au féminin? L'entrepreneuriat au féminin se porte bien. On a beaucoup, alors on a les trophées de AF. Hein. C'est-à-dire ? L'entrepreneuriat au féminin. D'accord. Donc, c'est une commission de la CPME. Et donc, on est toujours, une dizaine de finalistes sur une trentaine de dossiers qu'on parcourt. Et après, on a quatre prix. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Ben, évidemment, je suis une femme, donc ça me tient à cœur. On a des projets qui sont étonnants. Une crèche pour chiens, par exemple. On a de la pâtisserie polonaise. Voilà, on a toute une partie création et toute une partie reprise aussi. Donc, c'est quelque chose qui se tient bien. Très bien. Alors, le temps passe très, très vite. On arrive effectivement à la fin de cette émission. Alors, si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, quel conseil pourriez-vous lui donner ? Alors, il faut une dose de folie, 4 doses de ténacité et vraiment 6 doses. N'écoutez pas les autres, faites-vous confiance. Voilà, la confiance est important, la motivation, et la motivation. Voilà, pour réussir effectivement dans le milieu donc de l'entreprise. Tout à fait. Eh bien, Carole Crispan, merci d'avoir partagé votre expérience et votre vision avec nous dans l'Instant Éco. Alors, pour nos éditeurs qui souhaiteraient contacter la CPME 54 ou en savoir plus sur vos actions, comment peuvent-ils vous joindre ? Eh bien, on peut contacter la CPME, c'est le 03 83 32 36 60 ou venir nous rencontrer au 194 rue Bizio à Maxéville. Très bien, et puis vous avez certainement un site internet. Le site internet, CPME 54. Très bien. Eh bien, merci encore à vous pour vos conseils. C'était l'Instant Éco donc avec Carole Crispan, présidente de la CPME 54. Si vous avez pris l'émission en cours, vous pouvez nous retrouver sur le site de Radio Fadjet tout au long de ce mois, puisque l'émission est en replay. Rendez-vous très prochainement donc sur Radio Fadjet. Et d'ici là, n'oubliez pas de rester fidèle à cette belle radio.